Viens avec nous. Viens sur Blancotte. Tu vas comprendre, espèce de petit con. Que chez nous, on rigole pas avec le vrai chétan. Brûle ton joint de sem et bois ton verre. Blancock City, 9350 du côté nord de la boussole. C'est du dangereux. Bah, attention à toi, mon gars. Car ici, on blague pas. Le chétan t'a fait prendre cette arme ce jour-là. Accompagnateur de vie de tous les membres escarlats. Il se réveille auprès de tous les vendeurs de meca. Il te force à transiter entre Paname et Meuda. Il te force à taper ta femme que t'aimes tant, te condamne. Les autres en te voyant normal, ils en ricanent. Les pédophiles en Asie, proches de la race de nazis. Autant de style d'un phrasier, quartier chaud comme le brasier. Il attend la moindre hésitation pour te faire flancher. Sors sa tête quand les émeutes sont enclenchées. Ne pense être insensible au sujet. Car suffit d'un clic-clic pour faire fin à ton sujet. Réfléchis à tes gestes et à tes actes, car c'est rien que le début et t'as déjà senti la patate. Les minots qui éliminent les anciens, car le shit et l'alcool a fait le concours du quai et puis en chien. Mal on va tout brûler, le chien est à son côté. Ça son vénère pour les mecs le nerf, c'est pour les blancs et côté. Mal on va tout brûler, le chien est à son côté. Ça son vénère pour les mecs le nerf, c'est pour les blancs et côté. Mal on va tout brûler. Sombri, mental de zombie, c'est lui qui fait que tu vaches à la taille à franc prix. Les actions affinées, bonnes ou mauvaises, il baisse quand il fait. Tu fais pas trop de ciné, assassiné par ses bastos en rafale. La foule s'affole sous leur affole et ça coule le sang, s'écroule la poison. Tel un poison, t'es peu croyant, bah c'est facile de renverser ta cloison. Il se cache dans l'oseille, l'ivresse, les femmes. Adresse ton mental pour te ramener vers les flammes. Il ricane, ta conscience il chicane sur l'instant présent où t'as le glock et tu cannes un frère. Mon frère tente le peuple du monde, il veut te la foutre dans la fente pour que ta faim soit fonte. Te tire vers le bas de la pente, on veut serrer la pointe. Veut tout faire pour que tu crames dans les flammes de l'enfer. J'en ai marre des échecs, à index c'est chétan qui t'engraine à faire des actes qui conduiront à ta perte. Mec, c'est lui qui nous fait commettre des péchés. Demande pas pourquoi on nous coule toute cette cruauté. Tu sais le chétan, tellement on l'a côtoyé. Il s'est installé dans nos races, maintenant on est possédé. Allez, c'est ce qu'il siffle dans nos deux thés. Allez, ça coûte de rien, tu peux essayer. Il nous pousse sans arrêt, son chemin déségaré. Chemin qu'il a lui-même inauguré, l'enfoiré. Les diables se multiplient dans nos cités. Je dirais même qu'ils se trouvent souvent à nos côtés. Ils se réjouissent des peines qu'ils ont causées. Quand ils conduisent les humains vers le péché, prends garde, s'attribuer et redouter. Leur but c'est de nous tenter jusqu'au décès. N'achète pas. Mal on va tout brûler, le chétan est son côté. Ça son vénère pour les mecs le nerf, c'est pour les blancs et côté. Mal on va tout brûler, le chétan est son côté. Ça son vénère pour les mecs le nerf, c'est pour les blancs et côté. Mal on va tout brûler, le chétan est son côté. Ça son vénère pour les mecs le nerf, c'est pour les blancs et côté. Mal on va tout brûler, le chétan est son côté. Ça son vénère pour les mecs le nerf, c'est pour les blancs et côté. Marque, le chétan on lui met des claques. Dieu seul on vient prier. Et les choses commencent maintenant à s'empirer. Le pire est à venir. Éviter tous ceux qui pourraient venir. Faut savoir se ranger dans le mauvais ou bien celui des enjeux. Arrêtez de jouer le dangereux, car la vie est courte. Trop le temps s'écoule. Reste cool avant que tout s'écroule. Trop de problèmes, trop de haine que tu cherches à évacuer vers ce que t'aimes. Reste le même. Cherche pas à devenir celui que tu n'es pas. Fais pas confiance à ceux que tu connais pas. Mal on va tout brûler, le chétan est son côté. Ça son vénère pour les mecs le nerf, c'est pour les blancs et côté. Mal on va tout brûler, le chétan est son côté. Ça son vénère pour les mecs le nerf.